Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Romain Chélan. Salut Romain, comment tu vas ? Salut Sofiane, la forme ? Ça va super, merci et toi ? Ça va très bien. Bon, très bien. Merci. Le beau temps revient, on est content. Ouais. Eh bien, magnifique, magnifique. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bah, merci à toi de m'avoir invité. Et écoute, c'est un plaisir, hein, c'est normal. Et donc, je suis un petit peu ta carrière depuis quelques années. Je vois un petit peu les punchs que tu balances sur Facebook. Vraiment, c'est de la punch de précision, c'est du sniper. J'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup. Des gens comme toi. Merci beaucoup. Ah ben c'est sincère, des gens comme toi, des gens comme Rachid Dassi et tout, c'est des personnes oui, vraiment. Il est marrant, Rachid. Alors je sais pas comment, parce que je demande très rarement des gens en contact sur Facebook, donc je sais pas du tout comment on s'est retrouvés amis en fait. Et puis c'est vrai, et puis d'un coup je me suis vu avoir ces statuts s'afficher un jour sur Facebook, et puis régulièrement je voyais qu'il commentait aussi mes statuts, j'ai commenté ses statuts, on a commencé à discuter, il est très rigolo ce gars-là. Et d'ailleurs, je lui avais envoyé un message pour lui dire qu'il était très rigolo. Ah, mais il est excellent. Et humainement, autant humainement qu'artistiquement, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et donc, son style vraiment et le tien se ressemblent beaucoup, je trouve. Oui, il est marrant. Et en plus, il était éduque. Enfin, il est éduque, pardon. Et moi, j'ai été éduque pendant une dizaine d'années, quoi. Ouais, donc quelque part, c'est la meilleure école, quoi. Voilà. Je ne sais pas si c'est la meilleure école, mais en tout cas, je pense que ça en est une, en tout cas. Parce que dans le social, si tu n'as pas d'humour, tu meurs. Hein. On est d'accord. Parce qu'au bout d'un moment, c'est une question de survie. Non, mais il est très très bon. Et donc moi j'ai découvert ton style aussi un petit peu avant, je crois. On s'était rencontrés au Chinchman, si je dis pas de bêtises, il y a très longtemps. Certainement. Ah ouais, très très longtemps. Et vraiment j'ai beaucoup aimé ton côté, sniper et tout. Vraiment bravo. Et je me dis qu'avec c'est sincère. Et avec toutes ces années de snipe et de scène et tout, je me suis dit que tu devais avoir des anecdotes marrantes à nous raconter, quoi. Ah, j'en ai plein. Qu'est-ce qui m'est arrivé de marrant ? J'ai joué sur un rond-point avec, je ne sais pas si tu connais Marie Desrolles. Justement, elle avait raconté cette anecdote où voilà. Elle a dit que vous aviez joué juste après Section d'Assaut. C'était tellement drôle. Et on était avec Austin Power, je ne sais pas si tu connais. Aussi, également, c'est un ami, c'est un frérot. On était tous les trois et tout. Et c'était le festival du 19e arrondissement, en fait. Mmh. Et en fait, on arrive, on sort du métro Danube. Et déjà, la sortie du métro, elle est sur un rond-point, en fait. Tu vois, au niveau... Vraiment, il y a un rond-point pile devant les marches du métro. Et la scène était à 10 mètres de l'entrée du métro, donc à 10 mètres du rond-point. Et en fait, on arrive, il y avait une troupe de gosses devant la scène. Ouais, elle m'a dit que vous étiez fait éclé par des enfants, quoi. Mais c'était tellement drôle. En fait, avec le recul, c'était tellement drôle. Et puis, on passe après Section d'Assaut, donc eux, ils étaient vraiment bouillants. Ouais. Et puis Marie, elle était motivée, elle commence, et puis elle s'enfonce. Et les gamins, ils crient chiquette. Donc nous, on monte sur scène avec elle, avec Houssine, tu vois, histoire de dire, bon, on va pas la laisser galérer toute seule, et on va parler avec des enfants, c'est pas notre travail, mais bon, on va faire du centre aéré un petit peu, quoi. Et puis on discute avec eux, ils nous disent chiquette. Et au bout d'un moment, Houssine, il leur dit, ça veut dire quoi, chiquette? Il dit, ça veut dire, vous êtes pas marrant. c'est ce qu'elle m'a dit, ouais. Et j'avoue que je m'y attendais pas du tout. C'est un terme qu'on connaît pas, quoi. Non, mais je pense que c'était. Franchement, je pense que c'est un terme qui n'existe nulle part. Ça devait être un délire d'enfant de la journée ou je sais pas, tu vois. Mais je pense pas que c'est un mot. Qui soit vraiment utilisé. Hein. Mais en tout cas, c'était drôle. Le truc qu'on connaisse pas un mot et qui nous dit ça veut dire vous êtes pas marrant. Meilleure vanne du monde. Tu rentres chez toi. On peut pas te battre. Tu peux pas les battre, ces enfants. C'est sûr. D'ailleurs, ils sont peut-être devenus stand-upers entre-temps. Peut-être. Donc, du coup, ils sont tous au chômage, comme tous les autres. C'est clair. Non, mais en tout cas, oui, qu'ils aient apprécié la Section d'Assaut et puis qu'après vous soyez passé, je pense qu'ils n'ont pas apprécié. Bah, ils ont pas apprécié votre album à vous. Tu vois, c'était moi. Exactement. Ah. Non, mais tu te rends compte que des fois, quand il y a des événements comme ça, il y a des trucs qui sont compliqués à faire cohabiter, en tout cas. Et oui, et t'es obligé de survivre. T'es obligé de survivre quand ça se passe, tu vois. T'es obligé de faire parce qu'on t'a payé, quoi. Donc, t'es obligé d'aller au bout, quoi. C'est comme dans les chichas. J'en ai fait des chichas où c'était dur. Hein. Mais pareil, on te paye, donc tu vas au bout. Hein. Personne t'écoute. Tout le monde s'en fout quand tu joues en chicha. Ah, mais c'est... Ça forge. Ouais, c'est clairement ça. Tu vois, les chichas, ben, on en parle souvent dans les épisodes et tout. C'est une très bonne école pour apprendre l'improvisation. Ah ouais. Et la survie sur scène, mais c'est dur pour l'ego, c'est tellement dur. C'est dur. Franchement, c'est dur. On n'y va pas en fait de gaieté de cœur au final, tu vois. On y va soit pour se dire, je veux vraiment me forger, tu sais, un peu comme Vegeta, tu sais, dans la salle où il se met 300 fois la gravité et tout, tu vois. Soit on se dit ça, soit on se dit, j'ai besoin de thunes. Ouais, de toute façon, moi je suis dans un délire où, de toute façon, en fait, Moi, j'ai jamais fait de la scène, en fait, pour devenir connu, pour faire des gros spectacles ou quoi, au caisse. Moi, je fais vraiment de la scène parce que ça m'amuse, en fait. Pour moi, c'est un loisir, en fait, la scène, depuis Oui. toujours. Parce que, ouais, moi, je vis en écrivant, tu vois, pour des spectacles, pour des humoristes, pour des radios, pour des télés, tu vois. Donc, je vis de l'humour, déjà, tu vois, dans un confort, en plus, où j'ai rarement besoin de bouger chez moi, etc. Donc, je t'avoue que ça rend aussi feignant. Mais l'humour, moi, je le fais vraiment parce que, en fait, moi, tu m'appelles pour jouer. S'il y a 300 personnes ou s'il y a 5 personnes, bah, je viendrai quand même, en fait. Parce que Ah. moi, ce que j'aime vraiment, en fait, c'est kiffer avec les gens. Et je t'avoue que j'ai tendance à rapidement m'ennuyer de ma matière. Moi, je sais pas comment font des humoristes. Enfin, en plus, je sais pas comment on peut se prétendre humoriste quand ça fait 5 ans que t'as le même 5 minutes sur scène, en fait, tu vois. T'as eu une bonne idée dans ta life, en fait. T'es pas quelqu'un de marrant. Mais moi, je m'ennuie vite avec ma matière, en fait. Même si c'est des sujets qui peuvent rester intemporels, etc., je m'ennuie vite avec mes blagues, même si les blagues sont drôles, je m'ennuie vite avec. Donc, j'ai tendance à souvent réécrire. Et donc, du coup, ouais, moi, j'aime bien les partager des trucs qui sont récents avec les gens. Et ouais, partager un truc, en fait, au-delà des blagues. Et ouais, pour moi, c'est un vrai loisir, c'est un petit exutoire, quoi. Ça permet de pouvoir dire aussi tout ce que je peux pas dire forcément avec les gens ou les émissions pour lesquelles j'écris, quoi. D'accord. Oui, ça te permet de, quand tu as une bonne vanne, tu peux la balancer soit à quelqu'un pour qui tu travailles, soit dire bah celle-là, non, ça ira pas là-dedans et tout, Ouais. puis je vais la garder pour moi, quoi. Ouais, oui. Enfin, non, c'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça. Je pense que je fonctionne au-delà de la vanne. Moi, je suis plus dans un fonctionnement de point de vue, en fait. Et mes vannes, elles vont découler de mon point de vue. Je fais pas du puzzle de blagues en me disant ça, c'est bien, etc., etc. Mais c'est vrai que des fois, j'ai des idées ou des points de vue qui vont pas forcément être consensuels, que tu vas pas pouvoir dire sur France Inter à midi ou sur, tu vois. Donc effectivement, c'est des trucs que je vais plus me garder pour moi, tu vois, des critiques sociétales, des critiques politiques, des critiques religieuses, par exemple, tu vois. C'est des trucs, bon, bah, c'est un peu plus engageant que de faire simplement des blagues un peu plus neutres pour une émission, tu vois. Forcément, quand j'ai des critiques à faire, critiques, qu'elles soient positives ou négatives, hein, c'est pas forcément un mot négatif, le mot critique, hein. Mais c'est quelque chose qui arrive de moi, en fait. Tu vois, et en général, ça découle de ma pensée. Tu vois, quand j'ai envie de parler terrorisme, quand j'ai envie de parler racisme, quand j'ai envie de parler, y a pas, tu peux pas forcément le faire partout, en fait. Et ces raisonnements, ils découlent de ce que je suis, en fait, et de comment je pense. Donc, effectivement, c'est des trucs, des fois, que j'ai besoin d'aller dire. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on a monté un super plateau avec David Azencot, que tu dois connaître. Bien sûr, Bon. il était dans le podcast également. Et ben voilà, ça m'étonne pas. Non, il est très talentueux, d'ailleurs. Ah, il est On excellent. avait écrit son dernier spectacle ensemble, Ah. qui s'appelait Animal. On avait fait le Oui. pari d'écrire un spectacle pour un one-shot à l'européen qui était filmé. Oui. Ah, c'était Voilà, génial, on ça, avait oui. fait ce pari, voilà, on avait écrit ce spectacle ensemble. Mais avec David, bon, on s'entend très bien quand même depuis plusieurs années. Et c'est vrai que lui aussi, je pense qu'il a tendance à rapidement s'ennuyer avec de la matière, ou en tout cas être très productif en termes d'idées, en termes d'actu, etc. Donc on a monté un plateau, nous, toutes les semaines au Jardin Sauvage. Oui. Très bon endroit, d'ailleurs. Je vous conseille, d'ailleurs, pour tous ceux qui sont Ah. sur Paris ou qui passent sur Paris, allez au Jardin Sauvage. C'est une super belle péniche qui est sur les quais, devant la gare d'Austerlitz, avec des terrasses, avec des plantes partout. Une petite piscine, d'ailleurs, quand il fait beau, on peut y aller. L'été dernier, on s'est baigné. Ils ont une belle salle de spectacle en bas, qui va pouvoir accueillir 80-90 personnes, qui est vraiment une belle salle avec une vraie scène dans un bateau. Tu ne dis pas qu'il pourrait y avoir un truc comme ça. Il y a des plateaux tous les jours, tous les soirs. Bon, en ce moment, c'est un peu les horaires sont un peu modifiés avec les questions de couvre-feu. C'est Wafik qui gère, super gars. Et donc, avec David Azencot, on a monté un plateau, donc une fois par semaine, où on appelait ça le Breaking News Comedy. Le but, c'est de parler d'actu, en fait. Et en fait, on demande aux humoristes qui viennent chez nous de faire le pari de présenter un nouveau passage de 3 à 4 minutes sur l'actu de la semaine. Alors, ils font ce qu'ils veulent, hein. L'actu, c'est un prétexte pour forcer les gens à écrire, en fait. C'est un prétexte dans le sens où, s'ils ont envie de parler de quelqu'un qui a fait un excès de vitesse sur la 10, ils peuvent. S'ils ont envie de parler de Samuel Paty, qui s'est fait découper la tête 2 jours avant, ils peuvent. En fait, c'est un prétexte pour fournir un nouveau truc, en fait. Tu vois, on n'est pas obligé de parler d'un truc sérieux, on n'est pas obligé de parler d'un truc léger. Le but, c'est que ce soit un truc récent avec lequel on peut aussi échanger avec les gens. Parce que dès le départ, avec David, on fait un truc en demandant vraiment s'ils ont suivi l'actu de la semaine. On prépare nous des blagues un peu sur un peu tout pour avoir du répondant avec ce que les gens vont nous dire. Et donc ensuite, on accueille 3 à 4 humoristes qui ont 10-12 minutes et on leur demande donc dans leur passage d'avoir 3 à 4 minutes nouvelles, un passage d'actu. On leur demande Ah. pas de faire que du nouveau parce que parce que c'est compliqué d'être tout nu, entre guillemets, en essayant un nouveau truc et en se disant, ah, si j'ai pas des trucs qui fonctionnent à côté, si mon truc il fonctionne pas, etc. Donc voilà, ils peuvent s'appuyer sur de la matière qui fonctionne, mais on leur demande d'avoir 3 à 4 minutes nouvelles sur un sujet d'actu de la semaine, en fait. Voilà. D'accord. Je pensais que c'était vraiment un passage 100% nouveau, quoi. Non, bah, c'est 3-4 minutes, c'est le temps d'une chronique radio, hein. Et je t'avoue que ce qui est rigolo quand même, c'est qu'ils ont souvent peur de faire leur nouveau passage. Ouais. Mais par expérience, alors nous, on n'a pas choisi la bonne année pour commencer le plateau, parce qu'on l'a commencé en janvier 2020. Ouais. On s'est tapé les grèves. Après, on s'est Ouais. tapé les crues de la Seine où le bateau n'était pas accessible. Et Mmh. après, pandémie. Et Donc, ouais. c'était pas la bonne année pour commencer un plateau. Mais on a très peu annulé, en plus, pour un plateau qui naissait, donc on était contents. Mais on s'est rendu compte que les gens qui venaient nous présenter des passages, eh ben, leur nouveau passage, Il marchait leur mieux que c'est-à-dire 8 l'ancien. fois sur 10, il fonctionnait mieux que leur hit. Oui, bah Parce alors je que les pense, mecs, ils ouais. le vendent avec une fraîcheur qui est tellement Voilà. différente. Et je pense qu'on met aussi une ambiance dans le plateau dès le départ, vraiment en disant que les spectateurs sont privilégiés de voir un truc qui est complètement nouveau, que les gens vont se mettre en danger, machin, etc. Et donc je pense qu'il y a une forme d'empathie, tu vois, qui s'installe Totalement, oui. avec le public. Et du coup, on a tendance à remarquer que les nouvelles minutes, en fait, fonctionnent mieux que des trucs qui sont rodés avec lesquels les mecs cartonnent partout, quoi. Moi, ça me fait penser au plateau première fois de Yassine. De Yacine, ouais. De Yacine, ouais. Voilà. Et lui, par contre, c'est vraiment. Bon, tu vois, je pense qu'il te dit, si je dis pas de bêtises, il te dit genre, tu peux faire une petite intro ou quoi pour te sécuriser un peu Oui. plus. Mais par contre, après, ça doit être que du neuf. Et Ouais. là, le public a la même empathie que ce que tu décrivais là, parce que les gens savent que le mec se met en danger. C'est la première fois. Voilà, l'humoriste sur scène, C'est homme ou ça. femme, toi, se C'est met en ça. danger. C'est Il ça. va balancer du nouveau texte et tout. Et il y a une empathie, comme tu dis. Ouais, c'est vrai. Donc, Voilà. ouais, mais et je pense que les gens, ouais, se sentent un petit peu mis en valeur en mode, vous avez vu, il a jamais servi ça à qui que ce soit. On est ses cobayes, quoi. En On plus, en plus, en a plus. la primeur de ces blagues. Ouais, non, c'est super En cool. plus. Ça fait quasiment un an qu'on a ce truc-là, là. Et Mmh. je crois que ça fait un an que j'utilise plus de blagues de. Je crois que j'ai des heures de stand-up dans mon ordinateur, tu vois. Et que je n'utilise plus de matière. Chaque semaine, je fais un nouveau passage. Je fais quasiment que du nouveau chaque semaine. Des fois, je réutilise deux, trois trucs de la semaine d'avant. Mais je fais 99% de nouveau chaque semaine. Ah, c'est bon ça. Depuis un an. Et comme Ouais, ça, je ne ça. m'ennuie pas de ma matière. Voilà, bah oui, ça t'a permis de vraiment. Bah déjà, ça peut te C'est ça. permettre de construire derrière. Si vraiment il y a un passage auquel tu tiens particulièrement, tu peux le rentrer en solide, tu vois, dans tes prochains passages. Mais Et complètement. voilà. Et sinon, enfin, je veux dire, sur d'autres plateaux, bien sûr, sur celui-là, tu te gardes vraiment que du neuf quasiment. Mais l'avantage, ouais, c'est que tu ne peux pas te lasser d'une blague. Si vraiment elle est bonne et que finalement tu dis bah, c'était du one shot, bah c'est pas grave. Hein, la semaine prochaine, tu en auras d'autres, quoi. Voilà, c'est ça. Et Ah, c'est après, le bien. seul, enfin, je dis inconvénient, c'est que quand on fonctionne avec de l'actu, il y a plein de vannes ou de sujets qu'on ne pourra pas réutiliser si on avait envie de se faire un spectacle derrière. Alors après, j'ai envie de te dire que si tu parles de grands thèmes de société, moi j'en sais rien. Le racisme, par exemple. Oui, par exemple, le racisme, où j'allais dire, il y a eu une boucherie végane, une boucherie qui a été saccagée par des véganes. Tu te dis, bon, c'est une actu qui est un peu précise, c'est arrivé. Bon. Mais après, c'est un truc en même temps que tu pourrais très bien inclure dans un truc sur les véganes, par exemple, Oui, tu vois, ou sur largement, le largement. végétarisme. Tu vois. Mais effectivement, je pense qu'il y a des vannes qui seront perdues à jamais parce qu'elles sont vraiment trop accroché à une actu qui est très proche, enfin, Ouais, mais c'est. qui est très précise, je veux dire. Mais Ouais, c'est mais aussi le but du jeu, quoi. c'est un Puis choix, c'est un choix. Il y en a certaines qui notre vont but, c'est de être. créer, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Ben, elles vont être assez éphémères pour la plupart. Et puis, il y en a certaines qui vont être intemporelles. Voilà, mais c'est. C'est le boulot, c'est comme ça, tu C'est ça. balances, et puis après, ouais, bah, ça te permet d'avoir. Bah, au moins, même si tu balances les blagues, ça t'aura permis peut-être sur une autre actu plus tard, ou sur un sujet de société un peu plus intemporel, ça va te permettre de garder la même mécanique, ou la même. Tu vas pouvoir ressortir une Ouais, blague ou quoi. Tu vois, tu vas modifier, tu ne pourras pas la garder telle quelle, mais par bien sûr. contre, tu pourras l'adapter ou quoi. Mais je veux dire, même si tu jettes la blague, tu ne jettes pas la compétence que ça t'a apporté, quoi. C'est ça. Déjà, rien que le Et fait de créer chaque semaine, ça te donne une gymnastique vraiment qui fait que, tu vois, toi, en tant qu'auteur, si jamais on t'appelle et qu'on te dit, écoute, je suis en galère, j'ai besoin d'un texte d'ici, genre, dans une semaine, j'ai un passage et tout, je suis en panique vraiment, et bien là, toi, tu vas dire, t'inquiète, et avec les compétences, les skills que tu as développées, tu vas pouvoir sortir un truc vraiment rapidement, quoi. Ouais. Puis même, je vois avec le temps, j'ai tellement de matière dans mon ordinateur où je sais que je m'en servirai plus jamais, mais c'est des sujets qui peuvent fonctionner. Il y a plein de blagues que j'ai déjà refait dans des chroniques ou tu vois, dont je me suis servi dans des chroniques, des machins, etc. ou qui peuvent te servir de support pour écrire un truc. Rien n'est jamais perdu à jamais, en fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. L'essentiel, c'est de continuer à bosser, de continuer à s'entraîner pour ne pas rouiller, quoi, en fait. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, par exemple, là, tu vois, sur les passages d'actu, il y a plein de fois le samedi où je me dis, mais t'es cool celle-là, parce qu'en ce moment, on joue le samedi pour le plateau d'actu. Elle était cool celle-là. On est 20 personnes dans la salle, ou 30 personnes dans la salle en ce moment avec la pandémie, tu vois. Je me dis, je peux très bien la filer à Lebray pour sa chronique de lundi. Elle sera entendue par, tu vois, elle vivra vraiment la blague, quoi. D'accord, oui, oui, et puis ça reste encore dans le bon timing, quoi. Complètement. C'est bien de pouvoir, d'être auteur comme ça, c'est bien parce que tu peux toi t'amuser avec ta blague et tout, et puis une fois que tu t'en es lassé, tu peux la refiler à quelqu'un qui va la faire vivre un peu plus longtemps. C'est même pas le fait de m'en être lassé, tu vois, c'est pas comme si je lui refilais une blague de spectacle que j'ai jouée, tu vois, devant trois zéniths ou machin. C'est que on a un plateau qui est somme toute assez modeste, en fait. Tu vois, surtout, je te dis que c'est un plateau qui est nouveau, on a essuyé les pandémies, des changements d'horaire qui sont fréquents, etc. Tu vois, tu joues une blague devant 20 personnes, tu l'as testée une fois, tu te dis, bon, celle-là, c'est sûr qu'elle va fonctionner à la radio, quoi. Oui, voilà, voilà. Plus dans un test, tu vois, comme si tu avais raconté ta blague en soirée, tu dis, ah, celle-là, je la ferai lundi. Ouais, ouais, voilà, oui, c'est ça. En fait, c'est un peu comme si tu commercialisais au final un produit sur lequel tu as fait des tests cliniques. Exactement. T'es validé, tu vois, genre. Testé sur des animaux. Testé sur des mammifères. Voilà. Testé sur des mammifères, ouais, c'est ça. Tu vois, t'appelles Marc-Antoine Lebray, j'en profite pour saluer. D'ailleurs, il était dans le podcast également. Et ouais, tu vois, il m'avait dit, il m'avait demandé si je te connaissais. Ah, d'accord. Bah écoute, il est super sympa. On a eu. Ah oui, il est adorable. Et donc, tu vois, tu vas l'appeler et tout. Tu vas dire, oui, nous avons une blague à vous proposer. Les laboratoires Chélan, c'est validé. C'est hypoallergénique. Exactement ça. Ben, quelque part, vous êtes, tu vois, en tant qu'auteur, vous êtes un petit peu les chimistes, les laborantins de la blague, quoi, tu vois. Ouais, grave, on essaye des trucs. Voilà. Ah ben oui, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, parce qu'après, tu peux t'enliser dans une routine et c'est dommage. Tu vois, tu parlais des gens qui s'accrochent à 5 minutes. Tu vois, bon, après, quand c'est un spectacle, c'est autre chose. Tu vois, quand tu as un spectacle, tu le fais tourner plusieurs années, c'est parce que tu vas le tourner dans plusieurs endroits. Tu ne vas pas jouer toujours dans la même salle, tu vois. Après, un 5 minutes qui marche, c'est bien de l'avoir, mais le garder pendant 29 ans, ce n'est pas la peine. Tu vois, c'est ça. Non, mais c'est au-delà de ça, parce que c'est vrai que tu te dis, bon, quand tu joues devant dans des petites salles, etc., on n'est pas loin d'être 70 millions. Tu te dis, il faut en faire des petites salles pour que tout le monde l'ait vu ta blague, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que t'es pas Gad Elmaleh ou ton sketch, il va être vu par des zéniths ou des machins, etc. Mais c'est juste en termes d'ennui, quoi. Je me dis, même si à chaque fois les gens devant lesquels tu les joues pendant 10 ans l'ont jamais vu, toi, tu vas quand même vachement t'ennuyer à force, quoi. Ouais, totalement, totalement. Après, je pense que les gens qui gardent un 5 minutes pendant 10 ans ou quoi, c'est des gens qui ont peur de. C'est plus, tu vois, l'ennui, il est là, mais la peur de passer à autre chose est supérieure, tu vois. Bah alors, je sais pas si on est dans l'ennui ou dans une incapacité de faire autre chose, en fait, au bout d'un moment. Si t'es marrant, en fait. Ils se disent qu'ils ont eu un coup de chance et qu'ils en auront pas un deuxième, quoi. Je sais pas. Je sais pas comment fonctionnent les gens. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Ben, moi, je comprends après ce que tu dis, parce que tu vois, là, par exemple, à la reprise des scènes, là, on enregistre, on est fin mai. La reprise des scènes, donc, j'ai repris le 20 mai, tu vois, vers le 19, et j'ai repris le 20. Et en fait, j'ai des morceaux, genre, que je sais qui fonctionnent et tout ça, qui ont été testés, rodés. Mais là, je voulais repartir sur du tout neuf, donc je suis reparti sur un passage vraiment 100% neuf, quoi. Et honnêtement, tu prends pas un plaisir qui est différent? Ben si, totalement, parce que t'as l'adrénaline, est-ce que ça va passer ou pas et tout. C'est fou. Ben, moi, ça me le fait, tu vois, quand ça fait super longtemps que j'ai pas testé et qu'après je repars avec du tout neuf, j'ai une peur, tu vois, la peur de monter sur scène. Elle est motivante en plus, cette peur. Et puis je pense que tu n'as aucune musique quand tu vends, parce que quand tu sers tes trucs pour la première fois, tu sais, quand tu les as fait 400 fois, même intonation, c'est toujours, tu vois. Là, t'as un truc, c'est complètement nouveau. T'es dans de la création totale. C'est ça. Là, tu repars sur du neuf. Voilà, t'as une machette à la main. T'as une machette à la main et tu traverses à travers la pampa, tu vois. Tu tailles comme ça et tu avances. Et franchement, ça fait du bien des fois de sortir un peu des sentiers battus de temps en temps. Tu vois, pas tout le temps, ce serait un peu compliqué peut-être, mais de temps en temps, repartir sur du nouveau comme ça. Et puis en même temps, c'est se dire aussi, ce morceau sûr que je joue, bon, bien évidemment, je le fais pas n'importe où non plus. Hein, si tu veux, si je vais dans un endroit où personne me connaît, c'est-à-dire environ toute la France, quand je joue quelque part où j'ai jamais joué, je prends pas de risque, je vais pas faire du tout neuf. J'arrive avec quelque chose de rodé, tu vois, j'arrive avec, j'ai 15-20 minutes vraiment que je joue partout. Bien sûr, on est d'accord. Normal, quoi. Mais par contre, quand je suis sur notre scène ouverte à nous, tu vois, le Gavestyle le jeudi à Bordeaux, quand je suis là-bas, Bah voilà, bah oui, je suis à la maison, je sais que les gens me connaissent, enfin me connaissent un peu au moins, tu vois. Donc s'ils sont déjà venus, ils m'ont déjà vu soit présenter, soit jouer, et je me dis, je peux me permettre. Et je leur dis jamais, attention, parce que je pense que beaucoup de gens font l'erreur, je leur dis jamais, bonsoir, alors je vais vous faire un texte tout nouveau. Non, je ferme ma gueule, je fais mon texte, et à la fin, je peux leur dire, tu vois, tout à la fin, quand je les remercie, je peux leur dire merci beaucoup, c'était un test ce soir et je voulais vraiment le faire devant vous. Carrément, carrément. Mais je leur dis jamais avant, parce que si tu leur dis avant, tu n'auras jamais les vraies réactions. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a un truc que je me suis toujours pris la tête à faire, moi, c'est quand j'allais jouer quelque part, notamment en province. Alors, effectivement, tu arrives avec ton 10 minutes ou ton 15 minutes qui est carré, hein, tu es obligé, tu ne peux pas faire que du nouveau. Mais je me suis toujours pris la tête, quelle que soit la ville où j'allais jouer, pour leur faire 5-6 blagues sur leur ville, sur leur région, sur eux. Ah, tu vois, là c'est différent. C'est très très bien ça. Ça c'est une signature vraiment. C'est une signature des grands auteurs et des grands stand-upers. Moi franchement, j'essaye en tout cas. J'y arrive pas tout le temps, hein, mais j'essaye en tout cas quand il y a quelque chose qui s'est passé dans la ville ou quoi. J'essaie de regarder. Tu vois, genre même ne serait-ce que les faits divers. Ouais, bien sûr. Voilà, s'il y a quelque chose, évidemment que je vais faire des blagues sur la ville. Je vais en faire ou quelques. Même tu vas te promener en ville, tu trouves qu'il y a un rond-point qui est marrant, faut en parler quoi. Mais totalement, totalement. C'est ce que j'ai fait. Ouais. C'est ce que j'avais fait quand je m'étais baladé. Je crois que c'était à Angers. J'avais joué à Angers pendant Je m'étais baladé et j'ai balancé des blagues là-dessus et les gens, ils ont aimé. Et l'avantage de ça, c'est qu'ils savent que tu les as inventées spécialement pour eux et tu peux prendre le risque de faire du tout neuf du coup parce que évidemment, tu n'aurais pas pu le deviner avant. Tu ne savais pas avant d'aller jouer là-bas que ça allait être intéressant d'en parler sur scène. Donc, tu as découvert sur place. Les gens ont cette encore, on en revient à ça, cette espèce d'empathie qu'ils ont pour toi quand tu fais quelque chose de tout neuf. Voilà, tu leur sers du sûr et juste, bon, en général, c'est plutôt au début du passage. Tu vas leur sortir, ouais, bah, je viens d'arriver ici et tout, j'ai vu ça, ça, ça. Les gens vont rigoler parce qu'ils vont se dire, ah, ils parlent de nous, ils s'intéressent à nous. Et je pense que c'est un peu le. Oui, ils se sentent privilégiés un petit peu. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est un petit peu le système qu'utilise Thomas Wiesel, tu vois. Quand il va quelque part, il parle aux gens et il leur parle de leur ville, il leur parle d'eux-mêmes. Mais et il tout. A tellement raison. C'est ça le partage aussi en même temps. Bien sûr. Je suis chez vous, je ne suis pas que là pour vous faire mes blagues pendant une heure. Voilà. Vous m'accueillez, mais j'ai remarqué que votre accueil, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. C'est aussi ça, quoi, un moment ensemble. Totalement, totalement. Mmh. Ah, mais c'est pour ça, c'est vraiment cool d'avoir cette gymnastique et tout. Moi, je le fais aussi, si je trouve quelque chose à dire sur le coin, tout ça, je vais le faire. Tu vois, je l'avais fait une fois à Nantes, j'avais fait un sketch complet, quasiment. Ouais, non, j'ai fait genre la moitié de mon passage tout neuf sur la ville et le reste en sur, quoi. Et les gens ont bien aimé. Bon, après, ça n'a pas été un carton, évidemment, parce que c'était tout neuf, mais les gens ont bien apprécié que je parle d'eux et tout. Et c'est vrai. Mais bien sûr. Bah, c'est une façon de dire, voilà, je suis reconnaissant envers vous qui m'accueillez ce complètement. Soir. Donc, Vous m'intéressez. Et vous m'intéressez aussi, voilà, je ne vais pas vous servir la même soupe que j'ai servi hier à Mulhouse, avant-hier à Nice, tu vois ce que je veux dire, voilà. Ouais, non, je comprends totalement. Mais c'est bien d'avoir cette gymnastique-là, ce réflexe-là, et ça fait que les gens apprécient d'autant plus quand tu es sur scène, parce qu'ils se disent, le mec, il s'intéresse vraiment à nous, il nous a servi quelque chose de personnalisé, et ça, c'est le vrai spectacle vivant, tu vois. Mmh. Ouais, je suis d'accord. Et donc, au niveau de par exemple, tes passages sur scène, tu as eu d'autres galères, des trucs un peu bizarres Alors, une fois, il y a un bout de temps, j'avais parlé religion, je parlais prophète. Ouais. Et je parlais de Jésus. Ouais. Et il y a un mec qui s'est énervé dans la salle, etc., en disant qu'on ne pouvait pas parler des prophètes, etc., etc. C'était à l'époque du Pranzo, c'est vachement vieux. Hein. Ah oui, d'accord. D'accord. Enfin, du Sogymnase, excuse-moi. Et il était parti de la salle en disant qu'on ne pouvait pas rire de tout, etc., etc., etc. Ah. C'est la première fois, et vraiment, parce que moi, tu vois, il y a plein de gens qui me disent « Ouais, en France, on ne peut pas rigoler de ça, on ne peut pas rigoler de ça, on peut pas, en France, on ne peut pas faire des blagues sur les Juifs, on ne peut pas faire des blagues sur… » Je dis « Bah non, ce n'est pas vrai. » Moi, par expérience, je me suis rendu compte que en fait, ça dépend, en fait, je pense, peut-être comment c'est fait. Bah, déjà, oui, c'est la façon de le faire. Sûr. Mais je te dis, moi, à part ce micro-truc dans une micro-scène où il y avait 20 pèlerins, etc., en fait, j'ai toujours pu dire tout ce que je voulais sur scène. J'ai jamais eu de remarques derrière, en fait. En tout cas, la scène, je pense qu'en termes de liberté d'expression, on est vraiment dans un truc qui est totalement préservé. Vraiment. Et je me rends compte, avec Marc-Antoine Lebray, par exemple, à la radio, on dit ce qu'on veut. On fait des blagues sur tout, en fait. Après, je pense que toutes les blagues qu'on fait sont à chaque fois légitimes, Mais on fait des blagues de religion, on fait des blagues misogynes, on fait des blagues, tu vois, sur le handicap, on fait vraiment des blagues, on se refuse de rien en fait. Et on ne nous a jamais dit, vous abusez. Souvent, des gens disent, oui, la liberté d'expression en France, etc. Ben, je ne suis pas d'accord. Je pense que vraiment, après, je pense que tout dépend comment c'est fait. Mais je vois, tu vois, pendant 3 ans, moi, j'ai écrit les chroniques de Barré sur France Inter. Oula, On s'est tout permis. On s'est tout ah permis. oui, s'il y en a bien un qui s'est tout permis, c'est Pierre-Emmanuel Barré, hein. Il est Alors, on a eu excellent quelques et. plaintes avec lui, je ne te dis pas le contraire. Mais on ne s'est jamais refusé des trucs, en fait, à partir du moment où on trouvait que c'était légitime. Alors oui, des fois c'était vulgaire, oui, des fois c'était méchant, mais on s'est jamais rien refusé. Et Ouais. je pense que oui, on peut tout dire, on peut tout dire. Mais après, je pense que ça D'accord. dépend comment c'est fait et quel est le message de derrière, en fait. Voilà, c'est ça. Bah, en fait, si les gens, c'est comme Exactement. tout, si les gens sentent une véritable haine derrière les propos, là, ils vont pas adhérer. Alors que s'ils sentent que c'est totalement innocent, voilà, un mec qui ferait des blagues entre guillemets racistes bon, on sent qu'il y a aucune trace de racisme derrière, on peut rire avec lui. Mais quand on sent un mec qui va faire une blague un peu limite, même moins grave que le premier humoriste, mais on sent qu'il y a un fond de vérité dans ce qu'il dit, enfin pas Voilà, un fond c'est de ça. vérité, mais un fond de Ben ça, racisme, déjà, tu ça sens que donne le plus mec, envie de rigoler, en fait. ça donne plus envie de rigoler parce que tu sens que le mec, tu vas juste le cautionner dans ses idées nauséabondes. Donc non, c'est totalement, on peut parler de tout à partir du moment où c'est bien fait et tout. Après, voilà, c'est chacun voit ses limites là où il le souhaite. Bien Mais sûr, bien voilà, sûr. le message de Romain Chélan, mesdames et messieurs, c'est on peut rire de tout. Lui, il n'a aucun problème à rire de tout et à Ouais, ne rien vraiment, refuser. vraiment. Voilà, ces déménagements hebdomadaires se passent très bien. Il n'y a aucun souci. C'est Non, ça. mais tu vois, moi par exemple, je vois souvent, on m'a fait des remarques en me disant, ouais, tu peux pas faire des blagues sur les handicapés. Mais en fait, pourquoi je pourrais pas faire des blagues sur les handicapés? Déjà, personne parle d'eux. Moi, déjà, Voilà, je parle d'eux. c'est ça. Je dis, les mecs, ils peuvent même pas prendre le métro, quoi. Le métro, il n'est pas adapté. S'ils Ouais, veulent, je c'est. pense qu'ils aimeraient bien pouvoir venir jusqu'au théâtre pour entendre qu'on se fout un peu de leur gueule. Et qu'ils existent, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu. Je pense que la discrimination, elle est dans le fait que le mec, bah, s'il a envie de traverser Paris pour aller au théâtre, il est obligé de le faire sur son fauteuil électrique dans les couloirs de bus. Totalement, totalement. Moi, je. Alors maintenant, les bus sont équipés. Les bus sont équipés, mais le métro, c'est juste un scandale. Le nombre Ouais. de boutiques ou même de théâtres, des fois, qui ne sont pas équipés, en fait. Et je Ouais. pense que moi, je dis souvent, il y a plus d'handicapés dans mes textes que dans le métro parisien. Vraiment. C'est vrai, Et c'est tu vois, totalement. je trouve que y aura toujours en plus aujourd'hui des gens qui. Tu sais, tu peux pas passer à côté du mec qui va pas comprendre ton truc, qui va toujours passer au premier degré et qui va dire oh, c'est une honte sur des tweets ou sur ce que tu veux, tu vois. Je me rappelle une fois avec Barré, on avait fait une chronique sur le génocide au Congo. Oui. Donc le message, c'était de dire c'est pas bien et de Bah dire oui. regardez ce qui se passe. Mais il y avait un collectif de Congolais qui avait dû capter le truc à l'envers, mais c'était un micro-truc, hein. Et il lui avait piraté sa boîte mail et tout, tu vois. Oh Donc, tu là. auras toujours des gens pour pas comprendre ce que tu fais. Mais après, tu peux pas faire des trucs où tout le monde comprendra, quoi. On n'a pas tous les mêmes codes, on n'a pas tous les. Tu vois? Bien sûr, de toute façon, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, ça c'est bien connu. Et puis, je sais plus qui disait, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. Oui, j'ai vu Tu passer la vois? phrase aussi. Mais je suis d'accord avec toi. Après, au niveau des personnes handicapées, tout ça, moi, j'ai entendu plusieurs fois des humoristes qui, justement, faisaient des blagues là-dessus. Et dans la salle, il y avait des handicapés qui leur disaient merci, mais merci de Mais parler. bien sûr, mais bien Ah sûr. oui, ils veulent être inclus. Au contraire, tu sais, la première chose que j'ai entendue, moi, à propos des personnes handicapées, c'est qu'elles disaient, on ne veut pas du regard de pitié des gens, on veut qu'ils nous Mais regardent ouais. comme les autres. De la même Ben ouais. façon, quand tu as un humoriste qui dit non, je ne peux pas faire de blagues sur eux, machin, c'est de la surprotection et c'est du paternalisme, ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais vraiment, Surtout qu'en plus, un handicap, c'est ce que la personne est. Enfin, ça fait partie de lui, en fait, j'ai envie de Bien dire. sûr, Pour bien moi, au sûr. bout d'un moment, une prothèse de bras. Eh ben, c'est comme des yeux bleus, en fait, au bout d'un moment. Tu vois, ça fait C'est une partie du mec, en caractéristique, fait. C'est c'est ça. une de ses caractéristiques. Voilà, ça fait partie de lui. Alors, il n'est pas que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait partie de lui. Pourquoi on n'en parlerait pas? Et quelque part, l'occulter, c'est un petit peu comme si on lui refusait son handicap, quoi. Mais ouais. Mais ouais. Il n'y a pas de honte. Voilà, il y a un handicap, il y a un handicap. Voilà, c'est comme ça. C'est ça. Oui, mais absolument. Eh bien, écoute, moi, je trouve que Et le but, c'est c'est un pas de beau dire, ah message, là, ça, regardez, il de a une rire de tout. prothèse, la honte, tu vois. C'est pas ça Évidemment, le truc du tout. Du tout. on en revient encore à la façon de faire. Regarde, tu vois, ça dérange personne que sur France 2, depuis 20 ans, il y ait des nains qui n'aient pas le droit de parler, qui aient des surnoms ridicules. Ça dérange personne. Non, mais c'est vrai. Ça choque personne, tu vois. ça choque personne des tigres en Charente-Maritime. Mais je pense que quand tu vois comment, il y a des trucs au bout d'un moment, je comprends pas. Effectivement, je pense que de la vraie, moi je trouve ça hyper discriminant pour les nains, Fort Boyard. Il y a beaucoup d'humoristes qui en ont parlé, ouais, c'est vrai. Ouais. Il y a beaucoup de, mais écoute, malheureusement, il y a traitement à un aveugle ou un paraplégique. Ouais. Je pense que Il y a beaucoup de gens qui diront, mais c'est une honte. Totalement. Ben, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, quand tu as des humoristes qui vont faire des blagues sur les nains de Fort Boyard ou quoi, qui ne vont pas comprendre le message de dénonciation qu'il y a derrière. Ils vont juste te dire « Ah, t'as vu, c'est bon, ils tapent sur les nains, c'est pas marrant et tout, machin. » Mais bon, l'humour, ça reste un monde vraiment très, très compliqué et tout le monde n'a pas la même perception. Mais oui, mais heureusement, voilà, on arrive quand même à kiffer et puis à faire kiffer les gens, c'est quand même le plus important. Et faire en plus, rire. c'est le seul art, en fait, rencontre où on attend quelque chose de précis. Ça veut dire que tu fais une chanson, tu peux provoquer de la colère chez les gens, tu peux provoquer de la joie, tu peux, tu vois, des larmes, nous, on cherche tout le temps une émotion précise. Pareil, un mec qui va faire une sculpture, qui va faire une peinture, il recherche pas quelque chose de précis dans son truc. Mais nous, il nous faut un impact en plus qui est immédiat et on cherche qu'une seule émotion, c'est du rire. Ah, c'est vrai, totalement. C'est compliqué, mais ça reste gratifiant après quand on y arrive enfin, tu vois, c'est vraiment kiffant et c'est ce qui fait qu'on est accro à cette drogue et qu'on lâchera complètement, jamais. Complètement. Mais écoute, en tout cas, merci beaucoup Romain pour ces belles anecdotes. Merci beaucoup. De m'avoir invité. Avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Romain Chélan, Twitter, Facebook. Instagram. Alors, je t'avoue que Facebook, je suis de moins en moins actif parce que ça m'ennuie les réseaux sociaux de plus en plus depuis quelques années. D'accord. Donc, je poste des trucs de temps en temps. D'accord. Mais, mais oui, j'ai des réseaux sociaux. De temps en temps, je pose des petites blagues. Et puis voilà, un petit peu sur scène. Et puis beaucoup dans la bouche des autres toute la semaine. Voilà, c'est beau de pouvoir véhiculer tes messages à travers d'autres humoristes et tout. C'est beau. Et voilà. Tu as une chaîne YouTube aussi? J'ai une chaîne YouTube. Je faisais des vidéos politiques dans une poubelle, mais ça faisait. Je m'en rappelle. Ça fait bien longtemps que j'ai arrêté. Ça fait 2 ans que j'ai arrêté. Ouais, ça reviendra pas, ça, du coup, malheureusement. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'était vraiment trop chronophage. Le fait d'aller avec ma poubelle dans les lieux à chaque fois, le fait de tourner, le fait de monter, le fait d'écrire, etc. Et c'était, je me rendais compte que c'est pas aussi simple que d'arriver à la radio et de juste poser ta chronique et tu repars, quoi. Bah, sinon, peut-être prendre un endroit fixe et puis faire ça à chaque fois, ou un fond vert. Ouais, faudrait faire ça, mais en fait, le seul truc qui m'ennuie, j'avais commencé un truc, je sais pas si t'avais vu sur mon Insta, pendant le confinement, je m'étais tapé un délire où je faisais parler des animaux. Ah non, j'ai pas vu. Non, j'ai pas vu. Sur Facebook, j'ai fait une vidéo, elle a fait 10 millions de vues, je crois. Ah ouais, je suis pas en plus, non, mais tu sais qu'en plus, j'ai vraiment pas compris le délire en postant sur ma page perso. Ouais. Je me suis retrouvé avec une vidéo avec un crabe, je crois, elle a 10 millions de vues, un truc comme ça. C'est les partages, c'est les gens qui ont partagé en masse. Je me suis mis à faire des vidéos en fait de 1 minute où je faisais un sujet d'actu, où je faisais parler un animal. En fait, j'avais trouvé une petite application où je faisais un espèce de petit deepfake avec des animaux. D'accord. Et à chaque vidéo, je faisais parler un animal avec une petite voix rapide, etc., marrante. Ah cool, écoute, j'irai jeter un œil à ça. Je mettrai Facebook, Instagram et Twitter. Ouais, carrément. Parfait. Carrément. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Allez te suivre. Ah, avec grand plaisir. Merci beaucoup. C'est un ordre. Ah, écoutez bien l'ordre de Romain Chélan. Et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.